Et tu le sais, la solitude, je m'y avec. Viens ce jour, je partirai avec. Ma vie d'artiste, les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je l'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Semblant de poète à la mémoire chauve, je perds mes réflexes, me noie dans des soucis. Ma zig de l'or pour les pauvres en paix. Repose ceux qui de plus en plus ont contemplé le ciel avant que la foudre ne brise leurs songes en profondeur. Je traverse des rivières d'images. Ça coule à flot quand je pose le bic sur la marche. Je suis l'homme libre à la rime qui pleure. Cible d'obus, si jamais je crève, content sur Prodigy à mes obsèques. Jamais vous ne sentirez ma peine, jamais vous ne sentirez la peur dans ma poigne. Quand je vous dis bye, vous sentirez pas les pleurs d'un homme célèbre. Vous le voyez derrière une vitrine, pourtant la pluie s'abat et la grêle casse les vitres. Je suis seul dans ce monde, c'est le mot dirige et construise ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je crois qu'il y a une époque qui s'éteint, une plaque chauffante qui s'allume. C'est mon cœur qui chauffe, ne vois-tu pas que c'est la mouise sur ma mine, sur ma mine. Célèbre mais triste, mine de rien, je suis le mime d'une réussite désenchantée. Je voulais unir mes déchirures, faire la une. Blasé, mourir au combat, survivre ou je m'assassine. Rester digne, partir en héros alors je rime. Quitter en faire pleurer, les mères et mômes. C'est ce qui se passe quand j'écris ces lignes. Tu veux savoir pourquoi je suis triste? Je suis seul, aidé par le ciel, mal fait par le sol. Car j'excelle dans mon art. Je convoite la paix et la joie, j'évite la peur, j'agis. Je suis devenu le mur du silence, c'est pour ça que je chante. Comprends mature, je suis de nature à me livrer. Les mots reflètent l'état du cœur, je vois les sourds délivrés. J'ai de la haine, j'en veux à des gens à mort. Le regard d'un mort porte malheur à celui qui le croise. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Mon cri, mon son, ma larme. Mon écrit, mon son, l'alarme sonne. Quand je dis que j'irai cracher des bombes sur leur tombe, c'est obscène, mais observe. Tout ce qui se passe n'est qu'un affrontement. Sève de sang sera desséché. C'est la merde dans le monde depuis le commencement. Harcèlement moral, je balafre à juste cause. Déclin depuis le coin de rue, c'est ça le juste titre. Je veux vivre et juste faire parler mon cœur. La rue m'observe et me perpétue dans tous ses corps à corps. Je me noie dans mes abysses. Là où les haches s'abaissent, le drapeau blanc s'émise et que de la verdure sur les collines. Broyé par le superflu des guerres, l'avenir est dans la brume, je vois ça d'un regard superflu. Je m'évade par mes voix magiques, tragiques, d'hémorragie, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai la vision d'un rêveur qui voit ses songes comme une part de réel. Quand je rêve de ma mort, je crois pas que je joue un rôle. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je suis seul dans ce monde, c'est les mots dirigent et construisent ma vie d'artiste. Les douleurs sont lourdes, les blesses élargissent. La solitude, je n'ai avec. Bien ces jours, je partirai avec. Je suis seul dans ce monde, c'est